Chaeryong-hi, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, a visité la ferme coopérative de Wonhua de l'arrondissement de Pyongun. En faisant le tour de divers endroits de la ferme, il a encouragé les cadres et les paysans. S'informant des affaires de la sous-équipe de la jeunesse, il a appelé l'organisation de l'Union de la jeunesse de la ferme et ses membres à jouer le rôle d'avant-garde.